Bonjour francophones, welcome to French Pod America. Bonjour tout le monde, je suis Amaury. This is an intermediate lesson, a very practical one. Tout à fait. Today we're going to learn about the internet. Par le biais de quelqu'un qui vient de changer de domicile. Exactly, so even more than just learning about the internet, we're going to learn about how to call and get your internet set up. Exactement. Now this lesson is great if you're in France and you need to know how to do this stuff. But even if you're not, you're going to learn some great things. Bien sûr. It's very practical, very useful, very interesting. So let's listen to the dialogue. On écoute la conversation téléphonique. Allô, bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerais avoir Internet chez moi. Très bien, monsieur. Est-ce que vous avez une ligne fixe ? Oui. Parfait. Souhaitez-vous une connexion bas débit ou haut débit ? Quelle est la différence de prix ? L'abonnement ADSL haut débit qui inclut Internet, le téléphone et la télévision sans limitation de durée est à 29 € par mois. Et l'autre ? Sinon, vous pouvez avoir 50 heures de connexion bas débit pour 15 €. La première option m'intéresse. J'aimerais m'abonner. Comment procéderait-on pour l'installation ? C'est très simple. Je prendrai votre inscription et vos coordonnées par téléphone et ensuite, un de nos techniciens se rendrait chez vous dans les 3 jours. Est-ce que vous êtes libre pendant la matinée ? Non, plutôt l'après-midi. Donc voilà, charmante conversation. Yes. First they said, allô. French. Bizarre, hein? Right. It is kind of bizarre. Like le mot allô? Yeah, because it's, you know, allô. But it's only on the phone. C'est seulement au téléphone, oui. Yeah. Pour te dire la vérité, je connais pas l'origine du mot. Pourquoi on dit allô? Really? Non. You don't think it's like hello? Ah, peut-être. Stick with me, kid. You learn things. All right. Now, tell me what he says next to the person. Je viens d'emménager. Okay, let's stop there. This word, emménager. Oui. Now, there's also another word to move, which is déménager. C'est bien ça. What's the difference? En fait, alors ici, le mot emménager, uh-huh. c'est s'installer dans un nouveau logement. Okay. Et déménager, uh-huh. c'est changer de logement. So, déménager is just to move in general. Voilà. But emménager means to move in, really. Meaning some kind of a logement, like dans you un... said. Dans un nouveau logement. Okay, more like the building kind of thing. Oui. But you can use déménager for both, right? Oui. Because that's just move in general. Voilà. Okay, gotcha. Et donc, elle a un problème. Uh-huh. Yeah, so il vient d'emménager and he wants the internet. So how would you tell someone on the phone that? J'aimerais avoir internet chez moi. Now, what's interesting is you say avoir internet. Oui. There's no article. Non, pas besoin. En français, c'est avoir internet. Okay. You non. never have an article in front of internet. Oui, non, jamais. Okay, so internet is like a, it's almost like a proper name. Oui. Without an article mm-hmm. or anything. So, il aimerait avoir internet chez lui. Oui, alors il dit j'aimerais. Okay. Qui est en fait une formule de politesse. Uh-huh. Donc il emploie le conditionnel. Okay, so when you're talking on the phone in these kind of situations and you're saying like, I want in front of you, but it's good to say j'aimerais. Tout à fait. Okay. So, she asks him a question. What's the first question she asks him? Est-ce que vous avez une ligne fixe. What's une ligne fixe? C'est la ligne qu'on a chez soi dans la maison. It's like a landline. Voilà. Mm-hmm. So, parfait. Now she asks him another question. This is the next question you might get if you're trying to get your internet set up at your house. Alors, comme il a une ligne fixe, elle lui demande, souhaitez-vous une connexion bas débit ou haut débit? Okay, so first, souhaitez-vous. Oui. Okay. Une connexion. What are the two options? Bas débit ou haut débit. Bas débit is the slow connection, right? Voilà, ça va moins vite. Right, it's low bandwidth or low speed. Par opposition, évidemment, à haut débit. Which is high speed, high bandwidth. So now, what's the damage here? Ouais. Before I make any decisions. C'est quand même important, donc il demande, quelle est la différence de prix? So you say, une différence de something. Here, différence de prix. Voilà, c'est toujours différence de quelque chose. Okay. C'est avec des grandeurs, par exemple. Différence d'âge. Right. Différence de taille. Size. Okay. There's two options, right? What's the first one? Première option, un abonnement ADSL haut débit. So, un abonnement is the subscription, right? Voilà. So et c'est utilisé dans plein de contextes différents. Mm-hmm. Like also for magazines and stuff. Mm-hmm. Okay, when you sign up for something. Voilà. So, there's abonnement ADSL. ADSL. Right. Alors évidemment, nous, on prononce ça à la française. Right. But it's the same letters, right? Mais c'est les mêmes lettres. Mm-hmm. Alors qu'elle veut dire quelque chose en anglais, mais bon. Okay, so the first abonnement is the haut débit. Oui, et donc il inclut okay. Internet, uh-huh. le téléphone et la télévision. Pretty good deal. Oui. It's a lot of stuff. Mm-hmm. 3 en 1. Right. Is there like a time limit? Non, sans limitation de durée. Ok, how much is it? Cet abonnement au débit est à 29 euros par mois. Wow, what a deal! Excellent. Et ça inclut Internet, le téléphone et la télévision. Sans limitation de durée. Et so it's à 29 euros par mois. Wow, what a deal. But you should still check out what Ian's other option. So he says, et l'autre? Donc la seconde option, c'est d'avoir 50 heures de connexion. Ok, so unlike the other one, there is a limitation de durée. En plus. What kind of connection? Connexion bas débit. How much is it? 15 euros. That's not a good deal. You're paying for 50 euros. For 15 euros. Mais bon, c'est moitié moins cher. Right, yeah, you're right. Okay, so now, I want the first one. So how do I tell the person? La première option m'intéresse. Okay. And he wants to sign up, so he says... J'aimerais m'abonner. So s'abonner à quelque chose. C'est logique, il est intéressé. So when you're in this kind of situation, and you're calling and you need to get some kind of service, you might be like, okay, where do we go from here? What do we do now? How do you say that? Comment procéderait-on? Comment procéderait-on? Oui. Okay. And here pour l'installation. Dans ce cas-ci, oui. And according to her, it's just so easy. C'est très simple. Okay, what? Elle prendrait son inscription. So what kind of subscription he wants and all that? Oui, tous les détails, tu vois. Okay. Et ses coordonnées. Okay, les coordonnées is like my digits, my info. Oui. My location, my number, all that stuff. Those are all mes coordonnées. So she's going to do all that par téléphone. Et ensuite, what happens? Un de leurs techniciens se rendrait chez la personne qui veut s'abonner dans les 3 jours. Ok. Donc maintenant, il faut savoir évidemment dans les 3 jours quand la personne est libre. Right, so they might ask... Est-ce que vous êtes libre pendant la matinée? He's not, so he's like, no. Plutôt l'après-midi. And so, for example, hey, do you want to go for a trip in October? Non, plutôt en novembre. Okay. Okay, so why don't we listen to that dialogue 3 more times? Non, non, plutôt une seule fois. Oh yeah, you're right, this is intermediate students. Ouais. They only need it once. Et voilà. Donc on réécoute ce dialogue. Allô, bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerais avoir Internet chez moi. Très bien, monsieur. Est-ce que vous avez une ligne fixe? Oui. Parfait. Souhaitez-vous une connexion bas débit ou haut débit? Quelle est la différence de prix? L'abonnement ADSL haut débit qui inclut Internet, le téléphone et la télévision sans limitation de durée est à 29 euros par mois. Et l'autre? Sinon, vous pouvez avoir 50 heures de connexion bas débit pour 15 euros. La première option m'intéresse. J'aimerais m'abonner. Comment procéderait-on pour l'installation? C'est très simple. Je prendrai votre inscription et vos coordonnées par téléphone et ensuite, un de nos techniciens se rendrait chez vous dans les 3 jours. Est-ce que vous êtes libre pendant la matinée? Non, plutôt l'après-midi. So we're back. Now, Omri, do you know anything about the internet? Pas vraiment. Yeah, me neither. So... Qu'est-ce qu'on va faire? Well, let's ask Christophe. Christophe est parmi nous. Eh oui, bonjour. Christophe, the big techie guy, so you could probably help explain these kind of things better than us. Oui, je peux vous aider. Okay, great. Like, something that was weird in this dialogue was how the l'abonnement ADSL inclut l'internet, le téléphone et la télévision. Oui, c'est comme ça en France depuis quelques années. Okay. Les accès à internet se font par ce qu'on appelle des box, comme la free box, la live box, la... beaucoup de box comme so ça. So wait, that's all the same thing? The free box, the live box, it's all yeah. one like black box kind of thing? Oui, tout à fait. Les fournisseurs d'accès proposent ces boîtes. So the ISPs, the Internet Service Providers. Voilà. How do you say that in French? Les fournisseurs d'accès Internet. Okay. Et ces boîtes permettent d'avoir ces 3 choses, Internet, le téléphone et la télévision. D'accord. Okay, so you get just one box and you connect all those things together. Voilà, et on le branche à la prise téléphonique et on a tout ça illimité, autant de temps qu'on veut. Excellent. Comme tout passe par Internet, même le téléphone, tout est pas cher. Oh, so that's why it's so cheap, because it really seemed like 29 euros was a pretty good deal. Ça permet aussi d'appeler à l'international, d'appeler les États-Unis, d'appeler la Chine, depuis la France, gratuitement. From your ligne fixe, or do you have to have a special phone? Non, tout à fait. Depuis un téléphone branché sur notre ligne fixe. So is that, it's been like that in France for a long time? Oui, depuis 5 ans facilement, même un peu plus. Okay. Et je crois que c'est le premier pays à proposer ça. Hmm, interesting. The very first one. Because France is always kind of on the cutting edge of the technology stuff when it comes to like phones and this kind of thing, isn't it? Oui, dans les télécoms, on est toujours un petit peu en avance. Ici, les prix sont bien actuels. Mm-hmm. Donc s'il y a des personnes qui vivent là-bas en France pour l'instant, oui. Si jamais ils ont besoin de se connecter, d'avoir une connexion, peuvent utiliser cette leçon. Oui, c'est à peu près 30 euros pour avoir une connexion illimitée. Ok, so that's the price you should get. Exactly. That's what you should expect. Ouais. Exactement. All right, that's a good tip. Ok, well, thanks Christophe for coming and helping us. Merci beaucoup. And if you have any questions, you can come to frenchpod.com and ask us. And me, Amri, and Christophe can all answer you there. Bien sûr. Alors, merci. Au revoir. À bientôt.